La chronique du football collégial, une présentation de Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini, là où l'expérience client est inégalée. On va parler de football, on va parler, l'heure est au bilan chez les Cougars de Chicoutimi, après une défaite de 51-29, on parle avec l'instructeur chef Nick Menacci. Salut Nick! Salut Danny! Nick, me semble que c'est beaucoup plus positif que l'année passée, est-ce que je me trompe? Absolument, absolument. On n'est pas du tout dans la même position que l'année passée. L'année passée, on n'a pas fait les séries pour la première fois. Et cette année, là, on a réussi à aller gagner un gros match de quart de finale pour aller jouer en demi-finale. Est-ce que c'est ça qui a fait un peu, ça change la dynamique pas mal, ça? Puis c'est vraiment plus... Oui, ça change la dynamique définitivement dans l'équipe. Mais je veux dire, la dynamique de l'équipe va avoir un impact aussi sur le résultat final. Puis cette année, on avait un bon esprit de corps, un bon groupe, là, donc ça a vraiment paru même sur le terrain. Est-ce que le fait que les joueurs, il y a eu quatre joueurs qui ont été suspendus parce qu'ils étaient transférés, puis est-ce que ça a eu un impact au début? Est-ce que ça a été difficile de démarrer en raison de ça? Non, pas difficile de démarrer, parce qu'on avait quand même beaucoup de joueurs cette année-là. Donc, on a commencé l'année à 55 joueurs. On avait des bons joueurs, on avait quand même un bon noyau. C'est sûr que la journée où ces joueurs-là sont revenus avec l'équipe, niveau défensif, là, ça a eu un gros impact. Là. Ça, c'est certain, là, ça a eu un impact majeur. Mais sinon, les premiers matchs, ben, c'est certain que c'était peut-être pas notre équipe complète parce qu'il nous manquait des joueurs. Mais ça nous a amené un peu, ça a donné du temps de jeu à des joueurs qui n'auraient peut-être un petit peu moins eu si ces gars-là avaient commencé l'année au début. OK. Là, donc, c'est positif, même si vous êtes éliminé en demi-finale, à quoi tu t'attends? Est-ce que l'an prochain, il y a plusieurs joueurs qui reviennent avec l'équipe? Absolument, j'avais une équipe terriblement jeune, donc mon carrière c'était une recrue, mon porteur de ballon c'était une recrue, mon meilleur receveur c'était une recrue. J'ai vraiment là un groupe qui revient l'année prochaine. On perd une dizaine de joueurs maximum, dont plusieurs joueurs d'impact qui vont être de retour. Là. Donc tous mes transferts de division de l'an passé vont être de retour ou presque. Plusieurs vétérans, plusieurs joueurs de troisième année de l'année prochaine. Donc on va être un peu plus à maturité l'an prochain. Ça va donner une année supplémentaire à mon carrière, là, qui était un carrière recrue qui joue en demi-finale. Donc un petit gars de Rouyn-Noranda qui a eu à jouer un gros match là, en fait, l'année passée. C'est beaucoup d'apprentissage en pas beaucoup de temps. Donc, avec l'hiver et la saison qui vient de passer, là, ça va nous aider, c'est ça. OK, le recrutement. C'est la clé. Est-ce que ça, de ce côté-là, c'est. J'imagine que ça part bien, là, quelque part. C'est sûr qu'il y a toujours l'aspect scolaire, si le cours se donne au cégep. C'est surtout ça qu'il faut mentionner. Par contre, à force égale, c'est pas mal plus facile de recruter si l'équipe perd en demi-finale que pas fait les séries, là. Absolument, c'est sûr que ça peut avoir un impact. Je veux dire, ça peut, pourquoi je dis ça? Parce que l'an passé, tu vois, j'ai 5 joueurs de division 1 qui sont joints à mon équipe et j'ai pas fait les séries. J'ai des joueurs d'impact, Benoît Beaulieu, des Xavier Tremblay qui ont décidé de rester dans la région, qui ont joué avec nous, des joueurs des Mustangs. Donc, je me dis que si l'année passée, j'ai pas fait les playoffs, et que j'ai réussi à ramasser autant de joueurs au niveau du recrutement, j'imagine pas ce que ça peut être avec une demi-finale, donc j'ai bien hâte de voir. Les Français, j'imagine que tu vas aller en France aussi? Oui, mais pas abusivement. J'ai beaucoup de joueurs qui reviennent. Mes joueurs français, comme je t'avais dit déjà il y a quelques années, mes joueurs français sont ici pour 3 ans. Des Camille Duchesnais, des Matteo Maglia, Ludwig Bess, c'est des gars qui vont faire 3 ans, Marc-Jean Joachim. Donc, c'est des gars qui vont faire 3 ans chez nous. Donc, on va pas rechercher une banque de 20 joueurs, de 20 Français à chaque année. On veut les faire graduer, c'est notre objectif. Puis après ça, ben, quand nos joueurs sont partis, quand nos joueurs sont gradués, on regarde combien il en reste de joueurs. Puis on va combler nos besoins en France. Si on n'a pas besoin d'y aller, on va pas y aller. Ben, on va y aller quand même, mais on va pas recruter 12 joueurs, 13 joueurs, 14 joueurs. On va peut-être en recruter 5 ou 6 qui vont être des joueurs d'impact puis qui vont pouvoir nous aider là, pour 3 ans. OK. Est-ce que les autres pays, parce qu'on parle beaucoup de France, on parle beaucoup des Français, puis c'est toujours ça. Mais est-ce qu'à un moment donné, il peut y avoir d'autres pays qui s'ouvrent? Parce que je regarde les Canadiens de football, ils font des ententes avec à peu près tous les pays qui jouent de football. Je me dis, ça peut même descendre au niveau collégial, là. Ben, le problème majeur de ça, c'est que au niveau du Canada, étudier ici, c'est extrêmement dispendieux pour les étudiants étrangers. Donc, on peut parler quasiment de 10 000 $ par année, là. Tandis que pour un Français, ça coûte le même prix qu'un Québécois. Okay. Donc, vu qu'il y a une entente avec la France, c'est plus avantageux pour les joueurs français de venir ici. Maintenant, quand on arrive à des joueurs allemands ou des choses comme ça, parce que là, on voit beaucoup une percée de l'Allemagne là, en CFL. Mmh. La CFL pousse beaucoup. Mais tu sais, faut pas se faire de mentir. C'est un peu de la poudre aux yeux. C'est un peu essayer de sauver une situation où il y a de moins de monde qui regarde la CFL, il y a de moins en moins de monde. Donc, c'est d'aller chercher un public international également. Donc, c'est certain que c'est moi, pour moi, c'est un peu de la poudre aux yeux. C'est bien de voir ça, mais j'ai hâte de voir là, dans 10 ans qu'est-ce que ça va avoir vraiment eu comme impact. OK. Dis-moi, les joueurs du Haut-du-Lac, Marc-Antoine Jean, il y en a eu d'autres, Alexis Bradette et ainsi de suite. Est-ce que tu es content dans l'ensemble? Oui, absolument. Marc-Antoine Jean, ben, il termine son aventure avec nous, sa quatrième année. Donc, c'est un gars qui est arrivé en même temps que moi. Donc, qui m'a suivi, qui est arrivé au cégep à 16 ans. Un gros bonhomme de 16 ans, pas encore mature, qui là, aujourd'hui, va quitter le cégep avec un diplôme en poche. Et puis, c'est pas le même petit gars qui est arrivé. Donc, Marc-Antoine nous a donné un gros coup de main pendant 4 ans. Alexis Bradette a eu un gros impact avec nous cette année. Vincent Bouchard, même chose. C'est des joueurs qui ont vraiment eu beaucoup de plans de jeu puis qui ont changé la game. Alexis Thibault également comme demi de sûreté. J'ai Maxime Gay aussi qui termine cette année. Vincent Rodrigue qui lui est en physiothérapie. Donc j'ai plusieurs joueurs là qui au niveau scolaire réussissent très bien. Puis en plus de réussir au niveau scolaire, nous ont donné vraiment un beau coup de main là. Puis dans le recrutement, est-ce qu'il va sortir des bons joueurs du Lac Saint-Jean, du Haut-du-Lac? À l'heure actuelle, je te dirais qu'il y a très peu de joueurs. Je suis en contact avec Charles-Éric Lepage, qui est l'entraîneur du coin de Saint-Vélicien. Ouais. Il y a plusieurs bons joueurs avec les Lynx du PWD. Ça, c'est certain qu'au Lynx, il y a des bons joueurs. Par contre, comme je te dis, là, quand on monte plus haut vers le lac, à l'heure actuelle, les joueurs qu'on a comme information, c'est des joueurs de Saint-Félicien. On en a quelques-uns sur nos listes, malgré que je pense pas que ça va être une année très faste pour le Haut-du-Lac cette année, là, vraiment là, en termes de recrues. OK. Nick, ça a-tu paru qu'Alma soit pas là cette année? Parce que me semble que c'était plus... la Ligue était moins forte. Est-ce que je me trompe? Ben c'était différent. C'était moins fort, je sais pas, parce que je pense qu'Alma, s'il avait joué cette année, aurait eu une année très, très, très difficile par le fait du nombre de joueurs, par le fait du nombre de recrues potentielles. Ça a eu un impact, c'est certain. Tu vois, il y a des joueurs qui avaient décidé de s'engager avec Alma qui ont finalement décidé d'aller jouer à Jonquière. Moi, j'en ai un qui est venu jouer chez nous, un jeune de Chibougamau. Tu as même récupéré Jean-Philippe Caron-Tremblay aussi. J'allais dire, j'ai récupéré deux entraîneurs. J'ai pas seulement récupéré Jean-Philippe Caron-Tremblay, j'ai récupéré également M. Pierre-Alexandre Cordero. Donc, le coordinateur offensif et le coordinateur défensif qui est un peu l'âme des Janois par le passé. Donc, on les a amenés avec nous. Donc, on espère que ça aura un impact là, aussi là, au niveau du recrutement, qu'on soit capable de faire une percée un peu là, dans le coin d'Alma, ce qui est très difficile pour les Cougars à travers les années. Okay. Mais moi, là où je trouve que ça a eu un impact, c'est que ça nous a enlevé deux matchs contre un rival régional. Ça nous a donné une semaine de plus de congé. On aurait peut-être aimé ça de la jouer, cette game-là, contre eux autres, c'est sûr et certain. Puis au niveau nostalgie, ben c'est plate de ne pas jouer contre les Janois. Ben ouais. Je fais pas de cachette. Là. C'est un gros morceau qui est parti. J'ai joué contre eux autres, j'ai coaché contre eux autres depuis plusieurs années. Donc c'est sûr que c'est très dommage. Mais c'est là qu'on va voir vraiment l'impact là, de la perte des Janois. Dernière question, tu prévois-tu des changements au niveau de ton personnel d'entraîneur? Ben, pas beaucoup. S'il y en a, ça va être pas grand-chose. Quelques joueurs, des coachs qui peuvent pas toujours par leurs horaires, des choses comme ça. Je pense qu'on a trouvé là, vraiment là, une formule là, qui est super. L'an passé, à pareille date, je te dis pas ce que je te disais. Je te disais que j'allais faire beaucoup de changements. On a fait beaucoup de changements, puis on est content des changements qu'on a faits. Jean-Philippe Caron, cette année, avec la défensive, a fait un gros travail. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, à l'offensive, Youssi Pierre, qui est encore là, qui est un ancien qui a joué pour la Ligue canadienne. Donc, j'ai vraiment des bons coordonnateurs qui sont là. J'ai des bons coachs, j'ai des bons jeunes coach qui pousse. Donc, je pense qu'on a un beau coaching staff en place, puis qu'on va peut-être juste faire quelques ajouts ou des coachs qui vont peut-être partir pour le travail. OK. Ben, Nick, un gros merci. Bravo encore une fois pour ta collaboration encore une fois cette année. C'était pas mal le fun d'avoir des joueurs encore des Cougars, puis au plaisir de se parler l'an prochain. Merci beaucoup, Danny. L'instructeur chef des Cougars de Chicoutimi, Nick Manatchi.